Bonsoir, merci à vous de me rejoindre dans Esprit Libre, un petit projet que j'avais en tête depuis 35 ans. Nous avons tous besoin d'un espace de décompression, le mien est la musique. J'espère que cette bulle de réconfort que je partage avec vous vous permettra de vous oublier, d'écouter, de réécouter. L'intérêt d'Esprit Libre est d'aller chercher de la musique là où elle se trouve, dans un maximum de styles avec, vous me connaissez, une large préférence pour le rock. Certaines choses ne sont pas définies, mon projet se met en place. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter trois premiers morceaux. Je pensais ce soir vous entraîner faire un petit détour du côté des Soundgarden avec leur tube légendaire Black Orson et d'enchaîner directement avec Ugly Kid Joe et Everything About You. Le premier datant de 1994 et le second de 1992. Et pour démarrer cette première partie, plongeons-nous dans l'année qu'il nous manque, l'année 93 avec Rape Me de Nirvana. Excellente soirée à tous, vous écoutez Esprit Libre. Rape me. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. I'm not the only one. Won't you come?

say I got a bad attitude, but that don't change the way I feel about you. And if you think this might be bringing me down, look again, cause I ain't wearing no brown detail. Toujours dans Esprit Libre et j'espère que ce voyage musical se passe à merveille pour vous. Changement de période, retour en arrière avec Jimi Hendrix et son Voodoo Child, extrait de l'album Electric Lady Lane, mais attention, pas la version que nous connaissons tous, mais la piste 4, nettement plus blues. J'ai décidé de vous faire monter ensuite en pression avec Children of the Grave de Black Sabbath et pourquoi pas Dokken et le morceau Mr. Scary. Vous êtes bien, vous êtes cool, vous écoutez Esprit Libre. Eagles way. Eagles way, baby. past the outskirts of infinity. And when he brought me back, he gave me Venus, which is green. Far away. with a sorrowful mind. Way down by the methane sea. I have a hummingbird and it hums so loud. You think you are losing your mind. Yeah. Pour cette dernière partie, je vous propose d'écouter l'un de mes groupes de prédilection, à savoir Pink Floyd et le morceau Welcome to the Machine, l'un de mes guitaristes préférés, Rory Gallagher, sur le morceau Shadowplay, et enfin, nous retournerons dans les années 90 avec Wake Up de Rage Against the Machine. C'est bientôt la fin, régalez-vous, vous écoutez Esprit Libre. We'll be right back. tape is what you saw. Nous arrivons maintenant au terminus de ce voyage d'une cinquantaine de minutes. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de ce programme totalement amateur, enregistré dans mon grenier avec les moyens du bord. Je vous laisse avec un petit bonus musical, Dead Can Dance, Anywhere Out of the World. Merci encore, je vous embrasse fort et que la musique soit avec vous et avec votre esprit. Amen.